Chapitre 9e, Berezov. Enfin, le 31 mai, après avoir quitté le grand lit de Lobi pour celui de la Sosia, son affluent, nous aperçûmes une ville dans la direction du nord et chacun s'écria « Berezov, Berezov !» Après 15 jours de navigation, nous touchions au but de notre exil. Tous les passagers s'agitaient. Les uns allaient revoir des amis, les autres allaient réaliser une fortune. Tous étaient heureux à leur façon, les uns de ce qu'ils espéraient, les autres de ce qu'ils allaient trouver. Je ne m'attristais pas du bonheur des autres, mais je me disais, pour nous, il n'est plus rien à attendre et rien à espérer. Le capitaine, pour donner une certaine solennité à notre débarquement, ordonna qu'il serait tiré 3 coups de busier. « Où sont les canons ? » dis-je à un matelot. Mais celui-ci jugea à propos de ne pas répondre. Je continuai mes investigations, et je finis par découvrir, dans un tout petit coin, un tout petit canon qui n'avait pas un pied de longueur, en un mot, un vrai joujou d'enfant. L'objet en question fit néanmoins assez bien son devoir pour avertir les Berezoviens. C'était à qui descendrait le premier dans le canot. On se poussait, on se culbutait. Il n'était plus question de politesse ou de galanterie. Mais nous restions sur le pont, regardant cette agitation comme un spectacle. Notre débarquement ne pouvait pas se passer sans la présence de l'autorité. En conséquence, monsieur le maire vint au devant de nous et nous le suivîmes, laissant nos bagages à la garde de Dieu, mais on nous assura que nous pouvions être tranquilles. Du côté de la rivière, on voit 2 églises schismatiques, puis une grande maison peinte en jaune se dessine sur une élévation. Ensuite, quelques habitations d'une chétive apparence et n'ayant toutes qu'un seul étage. Une vaste forêt de cèdres encadre le tout. À première vue, nous crûmes que la ville était en fête. Il y avait tant de monde dans les rues, tant de costumes éclatants, tant de mouvements autour de nous, que nous demandâmes si ce n'était pas un champ de foire. On nous répondit qu'il n'y avait rien que de très ordinaire dans ce que nous voyions. Après avoir traversé cette foule chamarrée, nous arrivâmes à notre nouvelle demeure qui se composait de 2 chambres assez claires et presque propres, propres pour les yeux, mais point pour l'odorat. Il fallait donc donner de l'air, beaucoup d'air, et ensuite chauffer les 2 pièces qui ne devaient pas avoir été habitées depuis longtemps. Notre propriétaire nous invita à prendre le thé chez lui pendant qu'on disposait nos chambres à nous recevoir. Nous acceptâmes. La dignité ne doit jamais nous abandonner dans certaines situations, mais la fierté, jetée comme nous l'étions sur une terre étrangère, eût été un ridicule et une faute. Comme on touchait la fête de Saint-Pierre, on observait le maigre le plus rigoureux et le thé qu'on nous offrit se ressentait cruellement de l'abstinence, point de crème et pas le moindre gâteau. Je pensais à la bonne vache Ostiaque qui était restée sur le navire en compagnie de nos bagages et malgré mes instances pour entrer en possession de cet animal, on me déclara que ma vache et nos effets ne pourraient nous être rendus que dans 2 jours. Dans cette pénurie, je demandai à l'hôtesse de nous indiquer où se trouvait le marché. « Nous n'avons pas de marché, » me répondit-elle. « Mais comment vous procurez-vous des vivres ?» lui dis-je. « Et chacun fait comme il peut. »« Mais n'auriez-vous pas quelque chose à me vendre ? Quoi que ce soit, je l'achèterai. »« Nous n'avons rien, » reprit l'hôtesse, « à moins que vous ne vouliez des canards conservés. »« C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conservés du tout. » Malgré les menaces de la famine, je reculais à l'idée des canards, et force nous fut de nous coucher sans souper. Nous étions à cette saison où il n'y a point de nuit, et ce jour sans fin nous tint éveillés. La faim, l'agitation de nos nerfs, la nouveauté du gîte, tout contribua à nous ôter le sommeil. C'était provisoirement que nous nous étions logés chez la mère de notre gardien, mais notre intention était bien de suivre les conseils que nous avait donnés le colonel Krizanovski. Nous cherchâmes donc la maison qu'il avait habitée. Cette maison était convenable et nous conclûmes bientôt notre marché, qui comprenait l'appartement, la table et le service. Nos chambres étaient parquetées et tapissées d'un papier assez propre. 2 juin. Rien ne manquait à notre modeste mobilier. Il y avait même plus de meubles que nous n'étions en droit de l'exiger. Je le fis remarquer à notre hôtesse qui me dit « Mais, madame, ce canapé, ces chaises, ces bons fauteuils sont venus avec vous ?» Je compris alors qu'une ingénieuse bonté nous protégeait encore dans l'absence. Onufre Pietraskevitch s'était privé de ses meubles, les avait fait placer sur le navire, sans que nous nous en fussions doutés. Les cœurs qui ont souffert possèdent des trésors de bonté et de délicatesse. Ceux qui ont pleuré sécheront aux larmes, ou ils en adouciront l'amertume. Ils savent plaindre, ils peuvent consoler. Pietraskevitch, qui vivait de son travail, trouvait encore le moyen de soulager la misère des autres. Notre hôtesse était simple et hospitalière. Elle nous entourait de soins et de prévenances. Chaque jour, elle nous faisait de nouvelles friandises, et en général, notre table était confortablement servie. si j'en excepte certains mets d'une saveur impossible, tels que les canards farcis de hachis aigres et cuits dans une crème épaisse. Nous avons aujourd'hui une chaleur accablante. On passe sans transition du froid au chaud. Hier, nos poêles étaient chauffés, la terre était couverte de givre, les arbres ne présentaient que des branches dépouillées. Aujourd'hui, nous avons la surprise d'un printemps. Le gazon est vert, le cassis est en pleine floraison, les arbres sont couverts de bourgeons. Ce miracle s'opère dans l'espace de quelques heures. J'ai dit, je crois, le mot printemps. Mais non, il n'y a pas de printemps, car tout ici est extrême, tout est violent. Hier, je m'enveloppais dans mon manteau de fourrure et j'avais froid. Aujourd'hui, j'ai une robe de mousseline et je demande de l'eau glacée pour étancher ma soif. Dans nos contrées, il y a le soir, la nuit, le jour et l'aube. La nature a tout prévu, tout tempéré, tout adouci pour protéger les organes de l'homme. Ici, tout se produit par secousses, tout se manifeste avec excès ou avec parcimonie. Le soleil ne réchauffe pas, il brûle, et il ne quitte pas le firmament. Ses rayons, qui sont des flammes ardentes, dévorent la rosée et l'empêchent de rafraîchir le sol. Pourtant, je dois avouer que Berezov n'est pas une ville tout à fait désagréable. 4 juin. J'avais raison, on a toujours raison quand on est juste. Berezov a pris un air de fête et de coquetterie. On dirait que la nature se défie d'elle-même et qu'elle se hâte de nous montrer ses trésors. Les mélèzes s'épanouissent dans un vert tendre du plus doux effet. La terre, fertilisée par la fonte des glaçons, atteste sa force par la plus belle végétation. Le débordement de la Sosva arrose les sols en respectant leurs cimes. La vue de cette grande plaine liquide d'un bleu foncé est quelque chose d'admirable, et au-dessus de tout cela, Berezov s'élève en étage sur une colline abrupte. Certes, ce spectacle ne manque pas de poésie, poésie plus sévère que mélancolique, beauté plus sauvage que douce pour le regard. Enfin, c'est la nature dans ses caprices les plus étranges et les plus inexplicables. Une multitude de navires et de bateaux dont la mâture est ornée de banderoles aux mille couleurs attendent le signal pour aller faire la pêche dans la mer d'Ob. Des canots sillonnent la rivière, ils vont approvisionner les embarcations. Le mari de notre hôtesse, très brave homme, quoique cosaque, se disposait à partir pour la pêche. Le départ de ce vieillard, les dangers qu'il allait affronter, étaient une cause d'anxiété et de tristesse pour sa famille. Une de nos chambres était ornée d'une image de la Sainte Vierge, de plusieurs saints et de quelques petits tableaux de piété, tous encadrés dans une étoffe dorée ou argentée. Le vieillard nous fit demander la permission d'entrer chez nous, permission que nous lui accordâmes de grand cœur. Il vint donc, suivi de sa femme et de ses enfants. Dès qu'ils furent là, ils s'agenouillèrent devant les images, puis, à plusieurs reprises, ils se prosternèrent le front contre terre. Quand ils se relevèrent, leur visage était inondé de larmes. Le père cherchait à modérer sa douleur, mais la mère, mais les enfants n'avaient ni la force ni le courage de se contenir. C'était navrant à voir. Kozlov, c'est ainsi que se nommait le vieillard, Kozlov, avant de nous quitter, nous recommanda aux soins de sa femme. Y a-t-il rien de plus touchant que le souvenir dans un cœur désolé? Pauvres êtres à qui la vie a tout refusé et qui ont en leur âme un foyer d'ardente sensibilité et d'exquise délicatesse. Certes, l'éducation est un fait immense dont je ne conteste pas les bienfaits. Par l'éducation, on peut tout savoir ou avoir des semblants de tout, même d'esprit, même de bonté. Mais au-dessus de tout ce qu'on apprend, il y a ce qui vient d'en haut, et c'est ce que possédait si bien Kozlov, qui, presque sauvage, ignorant les choses de convention, la règle, la discipline, les usages, les lois les plus élémentaires du monde, savait être bon, comme le sont les vrais, et les inspirés. 5 juin. La bise du Nord commence à nous rafraîchir un peu. Nous respirons, nous ne sommes plus dévorés par les cousins. Nous sommes sortis pour explorer la ville et les environs que nous ne connaissons pas encore. Les rues ne sont pas pavées. On communique d'une maison à l'autre au moyen d'une planche, quand il pleut ou quand la rivière déborde. En conséquence, les chemins sont impraticables pour les chevaux et les voitures. On se transporte donc à pied tel temps qu'il fasse. La ville ne possède rien. Ni boutique, ni marché, c'est un désert, et les approvisionnements indispensables arrivent du dehors. Dans les pays, même ceux qui sont en arrière de la civilisation, il y a des routes plus ou moins tracées. Ici, rien de semblable. Il semble que ce pays n'a été créé que pour les ours, les renards et les écureuils. Personne n'a eu pitié des hommes, personne n'a eu souci de leur bien-être. Pour communiquer d'un lieu à un autre, quelles que soient les nécessités du moment, il faut attendre que le sol couvert de neige vous permette de vous transporter dans les traîneaux attelés de rennes. Berezov compte 200 maisons, tout au plus. Ses constructions en bois ont un rez-de-chaussée, une cuisine, des hangars, et à l'étage supérieur des chambres d'habitation. La ville possède deux églises, je crois l'avoir dit. Elles sont assez artistement bâties, moitié pierre et briques. L'une s'appelle Spasska, l'autre Zarouchtchaïna. Cette dernière est située dans une charmante position, mais cachée, pour ainsi dire, par des bouquets de vieux mélèzes. Cet arbre était en grande vénération dans la tradition païenne des Ostiaques. Aujourd'hui encore, et malgré les lumières du christianisme, le mélèze est particulièrement respecté. Deux cimetières avoisinent l'église de Spasska. L'un est destiné aux riches et aux nobles. Les tombes qui le renferment sont en marbre, en bronze ou en pierre. L'autre cimetière, celui des pauvres, c'est-à-dire la fosse commune, est protégé par un bois frais, touffu, plein d'ombre et de mélancolie. Alexandre Menchikov avait été enterré dans le cimetière de Spasska. Ce favori, ce dévoué de Pierre Ier, était revêtu de ses habits de cérémonie et de ses insignes, comme cela se pratique dans le Nord. Il y a déjà quelques années, on procéda à l'exhumation du corps, qu'on trouva dans un état parfait de conservation. Quant aux étoffes et aux dorures, elles n'avaient souffert aucune altération. Ce phénomène est produit par la glace qui entoure le cercueil et qui le préserve de tous les miasmes extérieurs. Ici, la terre ne dégèle jamais à une certaine profondeur. Après l'exhumation, on replaça le cercueil dans la même fosse, entouré de glaçons plus durs que la pierre. Un monticule en terre, une simple clôture en bois, furent les seuls signes distinctifs de cette tombe. Un homme qui avait rempli le monde de sa renommée, un homme qui, en sortant du rang le plus obscur, s'élança à la cime des grandeurs, un homme qui se fit prince en posant sa famille sur les marges d'un trône, un homme enfin qui a tout osé, tout conquis par la force de son ambition et l'habileté de son caractère, repose aujourd'hui dans un pays sauvage, entre des glaçons et un peu de terre. Sa tombe, comme celle des réprouvés, n'a ni un nom, ni une date pour la faire reconnaître, point d'épitaphe, l'oubli, c'est-à-dire deux fois la mort. On montre encore à Berezov l'emplacement où s'élevait une petite maison habitée par Menchikov et située près de l'église de Spasska. L'incendie de 1798 détruisit la maison et une partie de la ville. Les traditions du pays disent que Menchikov était devenu pieux et qu'on l'avait nommé marguillier de la paroisse. S'il s'était fait pieux par conviction ou par nécessité, il s'était aussi rendu simple et accessible. Il se livrait volontiers aux plus durs travaux et se servait de la pioche et de l'âge comme un pauvre paysan. Les traditions ne s'arrêtent pas là. Elles rapportent que dans le cimetière, il y a deux tombes qui renferment les restes de deux enfants qui avaient appartenu à la fille de Menchikov. Personne n'a jamais vu ces tombes. Le prince Dolgoroukov et le comte Ostermann sont morts à Berezov sans laisser une trace, un seul souvenir de leur passage ici-bas. Eux aussi ont expié leur grande et injuste fortune. L'église conserve encore cependant le missel que la princesse Olga Dolgoroukov offrit au curé de Berezov lors de son passage dans cette ville. La ville de Berezov est gardée par quelques cosaques qui remplissent les fonctions de gendarmes, mais comme l'ordre n'est jamais troublé et que leur assistance est parfaitement inutile, ils se livrent aux négoces, eux et leur petite famille. Dans un premier moment de découragement, j'avais nié l'existence des boutiques, mais après des investigations suivies, j'ai fini par découvrir certains petits recoins décorés de ce nom et dans lesquels on vend du calicot, du thé, du sucre et des confitures. Mais les indigènes ne se fournissent pas là. Ils s'approvisionnent à bord des navires qui arrivent à des époques déterminées. Berezov possède une école primaire divisée en deux classes, je ne sais pourquoi, car dès qu'un enfant sait lire et écrire, on en fait un commerçant.